pas être pauvre. Les pauvres sont sales, ils sont moroses. Dans les rues, ils s'affichent. Ils sont au piquet. Non, je ne veux pas être pauvre. Ce n'est pas un métier. À haut risque. Tendre la main, avoir le plus grand temps. Être à mon maître de la peau. Non, je ne veux pas être pauvre. Écrasé petit à petit, il cherche par le fond la sortie. Tendre la main.